sur sa seigneurie et les preuves sur l'obligation de l'unifier dans l'adoration, de n'adorer que lui et de ne rien adorer avec lui. Donc nous avons vu cela dans le premier fondement. Et là donc nous continuons avec le deuxième fondement qui est la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. Puis le shir dit, en parlant de l'islam, « Wa huwa al-istislamu lillahi bit-tawhid wa l'inqiyadu lahu bit-ta'a wa al-bara'atu min ash-shirk wa ahli » Donc l'imam dit, en ce qui concerne donc la définition de l'islam, il définit l'islam, il dit, c'est de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala en l'unifiant. L'islam, c'est de se soumettre à Allah en l'unifiant. Et de se soumettre à lui en lui obéissant. Et de se désavouer. Et de se désavouer du shirk, de l'associationnisme. Et des gens du shirk, et des associateurs. Le fait de se désavouer du shirk et des associateurs. Ceux qui associent à Allah subhanahu wa ta'ala à d'autres divinités. Donc, la définition de l'islam comprend ces trois choses. Le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, et de se soumettre à lui par l'obéissance, en lui obéissant, et de se désavouer de l'associationnisme du shirk et des gens du shirk, des gens qui commettent le shirk. Idan, al-islam huwa al-istislam lillah bit-tawhid. Fa yajib 'ala al-muslim an yuwahhid Allah 'azza wa jalla. Donc il est une obligation. Donc l'islam, nous avons dit, c'est le fait de se soumettre à Allah en l'unifiant. Donc le musulman doit unifier Allah subhanahu wa ta'ala et ne doit adorer que lui. Fayufridu Allah ta'ala bil ibada. Wa ifradu Allah ta'ala bil ibada yu'tabaru islaman. Huwa al-islam. Fakaman farada Allah 'azza wa jalla bi af'ali nafsihi بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والعطاء والمنع كمن فرد بذلك كذلك يجب علينا نحن أن نفرده بالعبادة. Donc je disais, de la même façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur et qu'il est le seul pourvoyeur, qu'il est le seul à donner la vie et la mort, qu'il est le seul qui détient tout ce qu'il y a dans cet univers, de ce fait, il est le seul qui mérite d'être adoré et qui doit être adoré. والانقياد له بالطاعة أشار هنا إلى أفعال الجوارح أشار هنا إلى أفعال الجوارح لأن الاستسلام لله بالتوحيد هذا من أعمال القلوب لأن التوحيد ينبعث من إيمان القلب. Donc, après qu'il a cité donc dans la première partie de cette définition, il dit c'est le fait de se soumettre à Allah par le tawhid, en l'unifiant. Et ceci est un acte du cœur. Le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala est un acte du cœur. Donc après cela, il a cité un acte avec les membres, qui est quoi? Qui est de se soumettre à Allah en lui obéissant, en faisant ce qu'il nous a ordonné et en nous écartant de ce qu'il nous a interdit. Donc, la définition de l'islam comprend des actes du cœur, c'est-à-dire le tawhid, le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala, de ne rechercher que sa satisfaction à travers nos œuvres. Ceci est un acte du cœur. Et de la même façon, l'islam, la définition de l'islam comprend des actes apparents, des actes que l'on fait avec les membres. Le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, de faire ce qu'il nous a ordonné et de nous écarter de ce qu'il nous a interdit. والبراءة من الشرك وأهله. Et le troisième point qui est cité dans cette définition, c'est le fait de se désavouer du shirk, de se désavouer de l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et de se désavouer de ceux qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. البراءة معناها البغض والبعد والانقطاع والاعتزال. Le désaveu signifie le fait de détester une chose et de s'en éloigner et de la délaisser. فيجب على المسلم أن يعتقد بطلان الشرك ويبتعد عنه. Donc il est une obligation pour le musulman qu'il ait la certitude que le shirk est interdit, qu'on ne doit pas adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman doit avoir comme croyance qu'il n'a pas le droit d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit avoir ceci comme croyance et il doit s'écarter du shirk. De la même façon qu'il a comme croyance qu'on n'a pas le droit d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et de la même façon lui-même n'adore pas autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا لا يكفي. Et ceci ne suffit pas. لكن كذلك عليه أن يعتقد وجوب عداوة المشركين. يجب على المسلم كذلك مع البراءة من الشرك أن يتبرأ من أهله فيعتقد وجوب عداوة المشركين لأنهم أعداء الله بسبب شركهم وكفرهم. Donc, et de la même façon, cela ne suffit pas simplement qu'il délaisse le shirk, il ne suffit pas simplement qu'il s'écarte, hein, et qu'il évite d'adorer autre qu'Allah, mais il doit également avoir comme croyance qu'il est une obligation pour lui de détester les mécréants, de détester ceux qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ceux qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala sont les ennemis d'Allah. Ceux qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala sont les ennemis d'Allah à cause de leur mécréance et à cause de leur shirk. فَلَا يُوَلِيهِمْ. Donc il ne doit pas les prendre comme alliés, comme amis. وَلَا يُحِبُّهُمْ. Et il ne doit pas les aimer. وَإِنَّمَا يُقَاطِعُهُمْ فِي الدِّينِ وَيَبْتَعِدُ عَنْهُمْ. Mais il doit se désavouer d'eux et de leur religion. Et il doit les délaisser, il doit s'écarter d'eux. Sauf pour les appeler à l'islam, pour les inviter à l'islam. Donc il ne doit pas se mélanger avec eux, si ce n'est pourquoi, pour les inviter à rentrer à l'islam. إذا كان من باب الدعوة فحينئذ يجوز له مخالطتهم وبرهم والإحسان إليهم. Si c'est donc dans un but de les inviter à rentrer à l'islam, alors il t'est permis d'avoir un bon comportement envers eux et de leur faire du bien et de rester avec eux, hein, le temps de quoi, le temps de leur faire da'wah. لكن في قلبك تبغضهم وتبغض شركهم وكفرهم. Mais dans ton cœur tu dois les détester et tu dois détester la mécréance sur laquelle ils sont. لأنه لا يسمع في قلب العبد حب الله عز وجل وحب أعدائه ومن يشرك به. Car il ne peut pas se réunir dans le cœur d'une personne l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour de ceux qui sont des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui associent à Allah subhanahu wa ta'ala, qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il est lui celui qui les a créés, alors qu'il est lui leur Seigneur. وَأَدْرِبُ لَكُمْ مِثَالًا فِي هَذَا. Et je vous donne un exemple pour cela. كُلُّكُمْ تُحِبُّونَ آبَاءَكُمْ. Tout ce temps que vous êtes, vous aimez vos parents. صح ولا لا. N'est-ce pas? Vous aimez vos parents? طيب. الحب الطبيعي. لأن رأيت أحد من أسلم. J'ai vu qu'un frère qui lui s'est converti, il hésitait à répondre. On parle de l'amour naturel, l'amour que tu ne maîtrises pas, qui est dans ton cœur. Nam, qui est inné. Nam. Donc, et ça, tu aimes tes parents. Ceci est, yani, Allah s'en va là créer les gens comme ceci. Que l'enfant aime ses parents, naturellement. Donc, tout le monde parmi nous aime ses parents. طيب. Si quelqu'un vient et insulte tes parents, insulte ton père et insulte ta mère, est-ce que tu vas aimer cette personne? Il ne cesse de critiquer et de parler en mal sur tes parents. Tu vas l'aimer? Ce n'est pas possible. Si tu aimes cette personne-là, ça veut dire que tu n'aimes pas tes parents. Et si tu aimes tes parents, ça veut dire que tu n'aimes pas cette personne-là. Wallahu azza wa jal ajal wa a'zam min zalik. Et Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus honorable que cela et encore plus vénérable que cela. Allah subhanahu wa ta'ala est plus honorable et plus vénérable que nos parents. Nous vénérons Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui existe entre eux. Nous aimons Allah subhanahu wa ta'ala plus que nous aimons nos parents et plus que nous aimons nos propres âmes. Donc celui qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala et celui qui attribue à Allah subhanahu wa ta'ala un enfant et celui qui fait ressembler Allah à ses créatures, celui qui diminue de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui rabaisse Allah subhanahu wa ta'ala, le musulman ne peut pas l'aimer. Le musulman ne peut pas l'aimer, ou sinon cela veut dire qu'il n'aime pas Allah subhanahu wa ta'ala. Fantabihu li hadha, donc prenez garde à cela. يعني بغضنا للكفار ليس لأنهم لأن أشكالهم ما تعجبنا. Ce n'est pas parce que leur apparence ne nous plaît pas. On n'aime pas leur visage. On n'aime pas leur argent. On n'aime pas. نحن ما عندنا معهم إلا الدين. La seule chose qui est entre eux et nous, c'est la religion. On regarde au niveau de la religion. Celui qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala et qui diminue de sa grandeur, nous ne pouvons l'aimer. Car nous aimons Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui qui doit être, c'est son amour qui doit prévaloir sur tout autre amour. Et tout autre amour ne fait que suivre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous aimons ceux qu'Allah aime. Nous aimons les gens qu'Allah aime et nous détestons les gens qu'Allah déteste. De la même façon que nous aimons les gens qui aiment Allah et nous détestons les gens qui détestent Allah. لكن مع هذا مع بغضنا لهم مع بغضنا للمشركين وبعد وابتعادنا عنهم هذا لا يمنعنا هذا لا يمنعنا من العدل معهم ولا يجوز لنا الاعتداء عليهم ولا الغدر بهم ولا سفك دمائهم الا في الحدود الشرعيه. Donc et malgré cela, malgré que donc nous devons détester les mécréants et ceux qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos cœurs, malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas permis d'être injustes envers eux et ne nous a pas permis de les attaquer et ne nous a pas permis de faire couler leur sang et de les trahir. Il ne nous a pas permis de les trahir et de faire couler leur sang. Si ce n'est dans les limites de la charia, à savoir le djihad shari'i, le djihad qui est reconnu religieusement. Le djihad qui est reconnu religieusement. Il n'y a pas dans l'islam de trahison. Le chef d'État musulman, lorsqu'il va déclarer la guerre aux mécréants, il la déclare ouvertement. Il ne cache pas et il ne fait pas croire qu'il est l'ami des mécréants, puis en secret, derrière, et ça, il va les attaquer. Ceci revient, comme j'avais expliqué dans un cours précédent, le fait de déclarer la guerre aux mécréants, ceci revient au chef d'État musulman. Et ce n'est pas au commun des musulmans ou à des groupuscules tels que le groupe d'Al-Qaïda. Tels que le groupe d'Al-Qaïda, qui n'a rien à voir, ou plutôt Afwan, dont les actes n'ont rien à voir avec les actes de l'islam. Nous ne sommes pas d'accord avec ce que Al-Qaïda fait. Que ce soit Oussama Ben Laden ou ses successeurs. Nous ne sommes pas d'accord avec eux. Et ceci ne veut pas dire que nous aimons les kuffars. Mais notre religion est une religion qui a des règles. Notre religion est une religion qui a des règles. Et chaque chose doit être mise à sa place. Donc, je ne disais que ce n'est pas des groupuscules de déclarer le djihad. Mais c'est au chef d'État musulman. Ceci revient au chef d'État musulman. Et s'il ne le déclare pas, eh bien nous n'avons pas à les combattre. إذن الإسلام يحتمل على هذه الأشياء الثلاثة إفراد الله بالعبادة الاستسلام لله بالتوحيد وهو إفراد الله بالعبادة والانقياد له بالطاعة بامتثال أوامره وترك نواهيه والبراءة من الشرك وأهله. Donc l'islam, la définition de l'islam englobe ces trois choses: le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala par l'adoration et de se soumettre à lui par l'obéissance, en faisant ce qu'il nous a ordonné et en nous écartant de ce qu'il nous a interdit, et le fait de se désavouer du shirk, de l'adoration d'autre qu'Allah et de ceux qui adorent autre qu'Allah. فلا يكون الإنسان مسلما حتى يحقق هذه الأشياء الثلاثة. Et donc un musulman ne pourra être musulman, véritablement, que lorsqu'il aura concrétisé ces trois choses. Qu'il adore Allah uniquement et qu'il ne le donne pas et qu'il n'adore rien d'autre à part lui. Qu'il obéisse à Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ce qu'Allah a ordonné et en s'écartant de ce qu'il a interdit. Et qu'il se désavoue de la mécréance et des associateurs. ثم قال الإمام وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان. Donc l'imam dit, en parlant d'islam, et il comprend, il contient trois degrés. L'islam, puis la foi, puis la perfection, ou la bienfaisance. Mais je préfère le traduire par la perfection. إذن الدين الإسلامي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يشتمل على هذه المراتب الثلاثة. فالمرتبة الأولى الإسلام وهي أوسع وهو أوسع المراتب لأن الإسلام هو الاستسلام الظاهر فيدخل فيه المنافقون. Donc je disais que la religion donc avec laquelle le prophète صلى الله عليه وسلم est venu contient ces trois degrés. Le premier degré qui est le degré de l'islam, et c'est le degré le plus large, c'est-à-dire le degré qui englobe le plus de personnes. Car l'islam, dans sa définition telle que le cheikh l'a cité là, c'est ce qui est voulu par là, ce sont les actes apparents. Les actes apparents. Le fait de prononcer Ash-Shahadatayn et de prononcer et d'accomplir la prière et de payer la zakat, de jeûner le ramadan et de faire le pèlerinage. Ce sont des actes apparents. Et donc, toute personne qui fait ces actes apparents rentre dans le cadre de l'islam. Rentre dans le cadre de l'islam. Vous imaginez un grand cercle, tout ça c'est l'islam. Tous ceux qui font les actes de l'islam rentrent dans ce cercle-là. Et parmi eux, donc, il y a, comme vous savez bien, des hypocrites. Des gens qui montrent l'islam en apparence, mais dans leur cœur, ils détestent l'islam. Ils sont parmi les musulmans, ils viennent dans les mosquées, ils font la prière avec les musulmans, mais ce sont des gens qui travaillent pour les mécréants et qui veulent combattre l'islam de l'intérieur. Ces gens-là existent à tout endroit et à toute époque. Lakin walhamdulillah, da'watul islam la tahtaj ila khafa. Da'watul islam zahira. Nahnu ma 'indana shay nukhfi. Da'watuna wadhiha. ظاهرة لا نزن الأشياء بميزانين عندنا ميزان واحد وهو ميزان كتاب الله وميزان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc je disais qu'il y a de ces gens-là à tout endroit et à toute époque. Mais alhamdulillah, nous les musulmans, nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons rien à cacher. Notre prêche est claire. Ce à quoi nous appelons les gens est clair. Al-Muhim, donc, dans ce grand cercle de l'islam rentrent beaucoup de personnes, parmi eux, les hypocrites, qui montrent l'islam et qui cachent la mécréance. ثم يأتي المرتبة الثانية وهي الإيمان وهي أضيق وهي أضيق وأخص من الإسلام. Puis ensuite vient le degré de la foi, qui est un cercle plus petit que le cercle de l'islam. Vous avez le grand cercle de l'islam, puis à l'intérieur de ce cercle, donc il y a tout ce qui montre l'islam, à l'intérieur de ce cercle il va y avoir un autre cercle un peu plus petit, qui est quoi? Qui est le cercle de la foi, dans lequel ne rentrent que les croyants, ceux qui croient réellement à Allah subhanahu wa ta'ala au fond d'eux-mêmes, ceux qui font les actes apparents de l'islam, donc ils sont dans le cercle de l'islam, mais en plus de ça, ils rentrent dans le cercle de la foi, c'est-à-dire au niveau des actes du cœur et de la croyance dans le cœur. Ils croient à l'islam véritablement, ce sont des véritables croyants. Donc c'est un cercle un peu plus petit. On a éliminé certaines personnes, parmi eux, al-munafiqoun, parmi eux donc, les hypocrites. Puis ensuite, il y a encore un cercle encore plus petit que le cercle de la foi. Et ceux-là, ce sont les meilleurs croyants. C'est le troisième degré, qui est le degré de la perfection. وسيأتي معنا أنه جاء في الحديث أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Donc, nous allons bientôt voir, inshallah ta'ala, que la perfection, donc, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui certes, il te voit. وهذا يدل على شدة الخوف من الله عز وجل ومراقبته في السر والعلن. لأن الإنسان قد يكون مؤمنا ولكن يرتكب بعض المعاصي لكن إذا ارتقى إلى درجة أنه يخاف الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة في السر والعلن صار من المحسنين لأنه يستحضر رؤية الله له. Donc, je disais que le degré de la perfection, donc, est encore un cercle plus petit que cela. Il rentre dans le cercle de la foi et il est encore plus petit, il y a encore moins de personnes qui rentrent dedans. Le cercle de la perfection qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui certes, il te voit. Ceci prouve que ces gens-là, ceux qui rentrent dans le cercle de la perfection, de l'ihsan, ce sont des gens qui quoi ? Qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes choses, aussi petites soient-elles. Ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala les voit leurs moindres faits et gestes et entend leurs moindres paroles. Et de là, ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala et ils délaissent tout péché. Car il se peut qu'un croyant, c'est un croyant, il croit à Allah subhanahu wa ta'ala, il se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala en apparence, mais il va tomber dans des péchés, dans des grands péchés. Alors que celui qui a atteint le degré de la perfection, il a conscience de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il craint Allah subhanahu wa ta'ala dans toute chose. Dans tout ce qu'il fait, il va craindre Allah subhanahu wa ta'ala. إذن هذه مراتب الدين الإسلامية الثلاث. Donc ce sont les trois degrés donc de la religion de l'islam. Nous avons dit donc l'islam, puis ensuite un cercle un peu plus petit, la foi, puis un cercle un peu plus petit, la perfection, l'ihsan. والوصول إلى هذه الدرجة ليست بالحكاية كما نحكي ولكن بالعمل. قل من يصلون إلى هذه الدرجة درجة الإحسان. لا يصل المرء إلى هذه الدرجة إلا بالعلم واليقين والصبر. Donc ce degré, le degré de la perfection, très peu de gens l'atteignent, car ils demandent de la connaissance, ils demandent de la certitude et ils demandent de la patience et de l'endurance dans les efforts, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال الإمام وكل مرتبة لها أركان. Chacun de ces degrés, chacun de ces trois degrés, l'islam, la foi et la perfection. Bismillah. Chacun de ces trois degrés a des piliers. Chacun de ces trois degrés a des piliers. Il y a les piliers de l'islam, et il y a les piliers de la foi, et il y a les piliers de la perfection. Arkanul Islam, wa arkanul Iman, wa arkanul Ihsan. Chacun de ces degrés a des piliers. Yaqulul Imam, fa arkanul Islam ya khamsa. Donc, quant aux piliers de l'islam, ils sont au nombre de 5. Et vous les connaissez très bien. Mahia arkanul Islam, quels sont les piliers de l'islam? Qui peut répondre? Oui. Accomplir la prière rituelle. Oui. Jeûner le mois du Ramadan. Oui. Faire le pèlerinage. Oui. On en a les moyens. Oui. S'acquitter de la zakat. Eh non. Voilà. Ce sont les 5 piliers de l'islam. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Le témoignage de foi qu'Allah est le seul qui mérite d'être adoré et que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est le premier pilier. Le deuxième pilier, l'accomplissement de la prière. Le troisième pilier, l'acquittement de la zakat. Le quatrième pilier, le jeûne du mois de Ramadan. Et le cinquième pilier, le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah, si pour celui qui en a les moyens. ثم يقول الشيخ فدليل الشهادة وعليكم السلام ورحمة الله فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أن شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Donc la preuve du témoignage de foi que le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le verset dans lequel Allah nous dit, Allah témoigne, ainsi que les anges et les gens doués de science, qu'il est le seul à mériter d'être adoré. Voilà en résumé l'explication de ce verset, ou la traduction du sens de ce verset. ومعناها ومعنى الشهادة ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وحده. Et la signification de ce témoignage que lorsque l'on dit la ilaha illallah, la signification de ce témoignage la ilaha illallah, c'est-à-dire il n'y a rien qui mérite d'être adoré en vérité à part Allah. Rien ne mérite d'être adoré en vérité à part Allah. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Illa Allah muthbitan al-ibadata lillah wahdahu la sharika lahu fi ibadatihi. Donc la ilaha la ilaha, lorsqu'on dit rien ne mérite d'être adoré, ceci est une négation on va nier et on va réfuter l'adoration de toute chose. On réfute l'adoration de toute chose. La ilaha donc est une négation qui implique la réfutation de l'adoration de toute chose. Et illallah, lorsqu'on dit illallah, c'est une confirmation. Une confirmation que le seul qui mérite d'être adoré est Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhan al-amran هما أركان وهما ركنا لا إله إلا الله. Ces deux choses-là, ce sont les piliers de la ilaha illallah. Al-nafi wa al-ithbat. La ilaha illallah, elle contient une négation et une affirmation. La négation, c'est que tu vas nier et tu vas rejeter l'adoration de toute chose. Et l'affirmation, c'est que tu vas affirmer l'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Car il est le seul. Car il n'a pas d'associé dans sa royauté. Il n'a pas d'associé dans sa royauté, donc il ne doit pas avoir d'associé dans sa divinité. فالشهادة تشتمل على الكفر والإيمان. الشهادة, le témoignage, comprend donc une mécréance et une croyance. Lorsque tu dis la ilaha illallah, ceci contient donc une mécréance et une croyance. الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. Ça contient une mécréance dans le sens que tu vas mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman mécroit, nous mécroyons. Nous ne mécroyons pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous mécroyons à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne croyons pas à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci est le côté de mécréance que contient le témoignage de foi. Celui qui témoigne de cette attestation, la ilaha illallah, par là il mécroit à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la croyance qu'elle contient, cette attestation, c'est le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala seul. De croire en Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc le musulman mécroit à ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et il croit à Allah subhanahu wa ta'ala seul, le seul Dieu qui mérite d'être adoré. Le seul qui mérite d'être adoré, le seul vrai Dieu. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha. Hana waqtul adhan. نواصل فيقول الإمام رحمه الله تعالى وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Donc le cheikh là nous cite un verset qui va venir nous expliquer la ilaha illallah. Ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsqu'Ibrahim alayhi salam dit à son père et à son peuple, je me désavoue de ceux que vous adorez, sauf celui qui m'a créé, et c'est lui certes qui me guidera. Et il en a fait une parole qui restera dans sa descendance. Peut-être ainsi reviendront-ils. فهذه الآية هي معنى لا إله إلا الله حتى في الترتيب حيث قال إنني براء مما تعبدون. نعم, لا, وهذا يقابل لا إله. إني براء مما تعبدون, إنني براء مما تعبدون. Donc Ibrahim عليه السلام dans ce verset il dit à son père, à son peuple qui adorait les statues, qui adorait les idoles, il leur dit je me désavoue de ceux que vous adorez. Donc ceci tombe en accord avec quoi? Avec la ilaha, le fait de nier l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de réfuter l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ensuite il dit illa alladhi fatarani, sauf celui qui m'a créé. Je me désavoue de tout ce que vous adorez sauf celui qui m'a créé. Yani lui, je ne me désavoue pas de lui. Wa hadha yuqabil illa Allah. Illa alladhi fatarani. Yuqabil illallah. Donc je me désavoue de tout ce que vous adorez. Ceci donc tombe en accord avec, lorsqu'on dit la ilaha illallah, tombe en accord avec la ilaha, le fait de nier, de réfuter l'adoration d'autre qu'Allah. Et sauf celui qui m'a créé, ceci tombe en accord avec notre parole qu'on dit illallah. À savoir que quoi que on ne reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala comme Dieu et comme Seigneur. Et qu'il est le seul que nous devons adorer. وكذلك من الأدلة على هذا قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Donc également parmi les preuves de cela, le verset dans lequel Allah a dit au prophète sallam dit: ô gens du livre, venez à une parole. Venez à une parole commune entre vous, entre nous et vous, que nous n'adorions rien, que nous n'adorions rien sauf Allah. Que nous n'adorions rien, rien en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que nous ne lui attribuions point d'associé, et que les uns ne prennent pas les autres comme seigneur en dehors d'Allah. Puis s'ils se détournent, alors dites-leur, témoignez que nous sommes des musulmans. Que nous sommes des musulmans et nous sommes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc également dans ce verset on voit an-nafy wal ithbat. Également dans ce verset on voit la négation et l'affirmation. Allah na'buda, que nous n'adorions rien. Ceci est la négation. Illallah, sauf Allah, ceci est l'affirmation. Donc nous nous désavouons et nous délaissons l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous confirmons et nous affirmons que nous n'adorons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui le seul et l'unique. إذن كما قلنا إن هذان إن هذين الأمرين هما ركن لا إله إلا الله النفي والإثبات. Donc comme nous avons dit, la ilaha illallah, elle contient une négation et une affirmation, et ces deux choses-là sont les piliers du témoignage de foi. Ce sont les piliers du témoignage de foi. Wa aydan la ilaha illallah laha shurutun. Laha shurutun. وقد ذكر العلماء أنها سبعة شروط أنها سبعة شروط. Et également la ilaha illallah a des conditions. La ilaha illallah a des conditions. Et les savants ont cité qu'en regardant dans les textes du Coran et de la Sunna, sont arrivés à la conclusion que la ilaha illallah avait sept conditions. La ilaha illallah, le témoignage de foi, a sept conditions. Et certains en rajoutent un huitième. Certains en rajoutent un huitième. Ces sept conditions sont, premièrement, la science. À savoir que tu connaisses, que tu comprennes cette parole. Lorsque tu dis la ilaha illallah, si tu veux que cette parole soit acceptée de toi, tu dois comprendre ce qu'elle veut dire. Et ce qu'elle veut dire, c'est que tu ne dois adorer qu'Allah. Et que tu ne dois rien adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. La signification de la ilaha illallah, comme nous avons dit, la signification c'est: rien ne mérite d'être adoré en vérité à part Allah. Donc la première condition est la science ou la connaissance. La connaissance de cette parole et de ce qu'elle implique. La deuxième condition, c'est la certitude. Une fois que tu as connu et tu as su le sens de cette parole, tu dois en avoir la certitude. Tu dois avoir la certitude que le seul qui mérite d'être adoré est Allah subhanahu wa ta'ala, et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, eh bien c'est une adoration vaine et fausse. Al-Qaboul, que tu acceptes. Que tu acceptes cette chose. Tu reconnais, tu acceptes qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit le seul à être adoré. Et tu acceptes que rien ne doit être adoré à part Allah. Hada yusamma al-qaboul. L'acceptation. Al-shart al-rabi' al-inqiyad. La quatrième condition, c'est la soumission à cette parole. La soumission à cette parole, c'est-à-dire que tu vas adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne vas rien adorer à part lui. la soumission à cette parole. الشرط الخامس الصدق. La cinquième condition, donc, la véracité. Que tu es véridique là-dedans. Que ce que tu prononces avec ta langue, tu le crois vraiment au fond de ton cœur. Tu le crois vraiment au fond de ton cœur. Tu ne dis pas avec ta langue une parole que ton cœur contredit. Ceci est la véracité. As-sidq. بخلاف المنافقين الذين يظهرون الشهادة ويبتنون الكفر بها أو الكفر بها. Contrairement aux hypocrites qui montrent en apparence et qui prononcent cette parole en apparence, qui prononcent la ilaha illallah en apparence, mais qui dans leur cœur ils y mécroient. Ils n'y croient pas, ils ne le veulent pas. الشرط السادس, la sixième condition, الإخلاص, la sincérité. Tu es sincère lorsque tu dis cette parole. Tu recherches par là la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne cherches pas par là à ce que les gens disent que c'est bon, c'est un musulman, laissez-le tranquille. Car lorsque l'islam s'est propagé à Médine, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des gens ont eu peur pour leur vie. Des gens ont eu peur pour leur vie, donc ils ont dit la ilaha illallah afin d'être préservés de quoi Dieu ? De la mort. Afin d'être préservés de la mort, mais dans leur cœur ils n'y croyaient pas. Donc ils n'étaient pas sincères, ils ne recherchaient pas par là la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, parmi les conditions pour que cette parole soit acceptée de toi, l'ikhlas, la sincérité, lorsque tu prononces cette parole, tu recherches la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shartu sabi' wal akhir, et la septième et dernière condition, c'est l'amour. L'amour de cette parole. Tuhibbu hadhihi al-kalima. وتحب أهلها وتبغض ضدها وتبغض من خالفها. Donc, la septième et dernière condition, c'est la condition de l'amour. Tu aimes cette parole et tu aimes les gens qui prononcent cette parole. Tu aimes tous les musulmans. Tu aimes cette parole et les gens qui la prononcent de la même façon que tu détestes son contraire, à savoir le shirk et les gens qui commettent le shirk. Donc, cette septième condition également, que tu aimes cette parole et ce qu'elle implique et les gens qui la prononcent, et que tu détestes son contraire et ceux qui la contredisent. Et quant à la huitième condition que j'ai citée, et là-dessus nous allons nous arrêter pour la prière, quant à la huitième condition que donc nous avons que j'ai évoquée, c'est le fait de mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains savants ont cité cette huitième condition, mais d'autres ont dit qu'en vérité cette condition rentre dans les conditions qui ont précédé. Notamment, elle rentre dans l'ikhlas. Elle rentre dans l'ikhlas. Et elle rentre dans el-qaboul. Elle rentre donc dans la sincérité et elle rentre dans l'acceptation. Le fait que tu acceptes cette parole, ceci implique que donc tu rejettes ce qui contredit cette parole. Et ce qui contredit cette parole, c'est la mécréance et le shirk. Et le fait d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et on continue après la salat bi'idhnillahi ta'ala.